émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Islem. Bienvenue, une nouvelle semaine débute aujourd'hui en ce jour férié, pourtant elle est là. Pourtant je suis là. Et pourtant c'est son premier Planète Rap. Pour moi cette fois, ça y est. Cette semaine, ça y est, on y est ? On y est. Islem est avec nous, comment ça va ? Bah alors, je peux que aller bien. C'est vrai ? Alors là, je pète la forme, je suis super contente. C'est sorti aujourd'hui ? Ouais. Où ça nous mène ? On verra bien où ça nous mène. Bah on verra bien où ça nous mène. C'est une belle aventure en tout cas qui a commencé il y a quelques années. Exactement. Moi je me souviens de toi encore ici, de toute petite. Au micro de Planète Rap, t'étais venu avec Nesbill pour son Planète Rap, c'est quoi, t'avais 14 ans à l'époque ? Ouais, j'allais sur mes 14 ans. T'allais sur les 14 piges ? J'allais sur mes 14 ans, Nesbill il a eu la gentillesse de m'inviter à son planète pour me laisser tenter ma chance, sans forcément savoir ce que j'allais faire, donc vraiment il m'a laissé vraiment carte blanche à l'aveuglette et il m'a laissé ma chance et c'est merveilleux, ça a tout lancé. Tu te souviens de ce moment-là ? Ouais, comme si c'était hier. C'est vrai ? J'étais assise là où il y a le piano. Ouais, c'est vrai. Et j'attendais, super stressée, et puis bim. Et puis t'as chanté. Après j'ai chanté. Et la vidéo a été vue des millions de fois. Mm-mm. C'est vrai que cette vidéo elle a été mise sur le net et des millions de fois les gens ont pu découvrir ta voix, Islem. Toi qui chantais quoi, un peu à la maison. Ouais. Avant. Un petit peu en studio. Liberté, avec Dany Sinté qui est là avec nous ce soir. Dany Sinté, ça va ? Ça va et toi ? En pleine forme ? La forme. Bon, toi aussi, tu dois être beau de voir Islem là pour la sortie de son album aujourd'hui. Ah ouais, c'est un aboutissement. Et se dire quelle aventure, quel parcours. Exactement. Mais ça t'a paru long toi ou pas, honnêtement, Islem ? Depuis le temps où, allez, si on revient juste même à l'époque où t'avais chanté ici dans le studio de Planète Rap, ça t'a paru long ? Ouais, il y avait des moments où je me disais le temps qu'il passe super vite et d'autres où je me disais c'est long, j'ai hâte que ça sorte, je m'impatientais. Donc ouais, c'était mitigé, David était mitigé. Bon, et ben on va découvrir cet album qui est sorti aujourd'hui. Si vous l'avez déjà, dites-nous, envoyez le message avec le hashtag Islem sur Skyrock. On va saluer Dany Sinté, on va dire pourquoi aussi il est important pour toi. Pourquoi est-ce que le monsieur qui est à mes côtés est important aussi pour toi ? Et puis un autre invité qui est là dans le studio qu'on va découvrir dans un instant. Mais pour bien faire connaissance avec toi, Islem, pour ceux aussi qui vont te découvrir cette semaine, on balance un morceau extrait de Où ça nous mène ? Ouais. Petit bateau ? Petit bateau. Allez, petit bateau tout de suite. C'est sur Skyrock et c'est Islem, notre invité toute la semaine pour son premier Planète Rap, enfin pour sa première semaine. Enfin on y est. Petit bateau qui a échoué dans mon cœur, il laisse un sentiment de peur. Petit bateau qui aujourd'hui navigue au milieu de tous ces paquebots pirates de la vie. Petit bateau, voyage sans loi ni peine, esquive-moi tous ces vieux rafios qui n'attendent que ta perte. Petit bateau, tu croiseras des sirènes, ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Tu leur tiendras tête. Petit bateau, choisis ton équipage, fais bien le tri, c'est avec eux que tu prendras de l'âge. Petit bateau, c'est une chasse au trésor, à la conquête du bonheur, enfermé dans un coffre fort. Petit bateau, après tout qu'importe, viens grand de ce monde et vas-y que le vent t'emporte. Laisse-toi emporter par le vent, n'aie pas peur, choisis ton cœur comme un seul océan. Grand temps de mettre les voiles et confiance, ne perds pas de vue ton étoile. Et pas besoin de carte ni boussole, sur la mer puis sur terre, rêvant toucher le ciel. Et peu importe ce que le destin te donne, oublie cette rage qui nous inonde, prenons le large, allons parcourir le monde. Chercher un trésor, oublie cette rage qui nous inonde. Prenons le large, allons parcourir le monde, encore et encore, jusqu'à arriver à bon port. Laisse-toi emporter par le seul océan. Il est grand temps de mettre les voiles. Confiance, ne perds pas de vue. Ton étoile. Et pas besoin de carte ni boussole. Sur la mer puis sur terre. Rêvant toucher le ciel. Et peu importe ce que le destin te donne. Islem, notre invité toute la semaine, entre 20 et 21, c'est extrait de l'album qui est sorti aujourd'hui, qu'on peut aussi acheter en ligne, hein. Digital ou payé, on peut cliquer ce soir, maintenant, tout de suite. Snack, partout. Partout, si vous voulez le récupérer dès ce soir à la maison. Si vous voulez le récupérer déjà, dites-nous un peu vos morceaux préférés, 41759 avec le hashtag Islem sur Skyrock. Petit bateau, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Bon, refaisons un petit peu cette historique, Islem. Parce que c'est vrai qu'on parlait à l'instant, tiens, de ce... On n'a pas un petit bout de live que t'avais fait dans l'émission dans Planète Rap quand t'avais 14 ans? Une reine sans couronne, ça donne ça. Hey, comment ça? Islem, Dani Santé. Il était déjà là, Dani. Ouais. Dans mon cœur, le soleil s'est éteint, ma solitude a pris de l'ampleur. Elle fait partie de mon quotidien, elle est tout. Jour là quand il le faut, elle vient me tenir compagnie. Elle m'abandonne quand il y a du monde, elle dessine ma mélancolie. Les humains respirent son parfum, aggrave les problèmes de cœur et nous rapproche de la fin. Elle me colle toujours à la peau lors des moments, moments épénés me rend de plus en plus fragile. Voilà, c'était un petit extrait du live que t'avais fait quand t'avais 14 ans. Allez, quoi, on va dire, allez, moins d'une dizaine d'années d'après quand même. 5-6 ans. Il y a 6 ans. 6 ans. Il y a 6 ans. Ah, c'est ouf, c'est un truc de ouf. Moi, tu l'avais réécouté, non? Tu l'avais réécouté un petit peu? Je l'ai réécouté, ouais, de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un qui va cliquer souvent sur mes vidéos. Sur moi. Tu ne cliques pas, tu cherches pas, tu te googlises rarement. Ouais, je m'écoute pas. Disons que je vais regarder les commentaires et tout, mais je vais pas me concentrer sur l'écoute, quoi. Bon, alors l'histoire avec Dani Sainté, qui est déjà là dans le studio à l'époque, ouais. Il y a 6 ans. Bah, Dani, en fait, c'est d'abord un ami d'enfance. On a grandi ensemble. D'abord, c'était le pote à mon frère, à mon grand frère. Mmh. Puis ensuite, je chantais dans le quartier, il a entendu ma voix et il m'a dit, toi, plus tard, je te produirai plus tard. Mais c'était pour rire, tu vois. Entre temps, il commençait déjà à signer des prods. Tu signes des prods déjà, toi, à l'époque, ou même pas? J'en faisais, mais j'en signais pas vraiment. J'en signais pas vraiment sur des gros noms. J'en faisais pour les gens du quartier et les villes voisines, quoi. Histoire d'eux. C'est quel quartier? Aux Opinions, dans le 94. 94, ouais. Et puis. Du coup, ouais, ben. Et puis donc, alors, il y a la connexion avec Nesville. Qui fait cette connexion avec Nesville? Le sort, le hasard. C'est Nes, en fait, il a entendu parler d'Islem. Et puis, en fait, il est venu un mercredi avec Scred, Aurel et Ablaï, quand on avait une junior association au studio et tout, pendant qu'on répétait, et du coup ils ont bien accroché, et de là on a été invité au Planète Rap. Et c'est là où tu as chanté ce morceau qu'on peut retrouver évidemment sur le net. Puis c'est vrai qu'entre temps, bah, y a les études qui font que tu partages comment à ce moment-là la musique, les études? Bah, je fais de la musique hors de l'école, du coup, le soir, les mercredis, le week-end. Et quand il y avait des rendez-vous en journée, on essayait de ne pas trop sécher, de respecter l'emploi du temps un maximum, mais c'est vrai que c'était compliqué. Bon, et puis donc la connexion avec Scred, qui est là aussi, et qu'on salue ce soir, ça va bien? Ça va, et toi? Ouais, toi, tu te souviens de ce moment où ils te font écouter, justement, où tu tombes sur la voix d'Islem? Ouais, bah, nous, on est partis, comme il expliquait, c'était la MJC. Mmh. Et on a kiffé direct. Enes, il m'en avait parlé. Du coup, j'ai dit, bah, on essaye. Parce que nous, on n'avait pas encore produit d'artistes comme ça, même avec Nes et tout, on n'avait pas encore fait. Ouais, toi, tu faisais que un peu sur Aurel, mais j'avais pas encore. Tu faisais que des sons à l'époque, ouais. Pour plein de gens. Donc, du coup, on a tenté le coup. C'est aussi pour ça que ça a mis un peu de temps. Mais au final, c'est cool. D'être là 5 ans après, Daniel a un label. Il produit des artistes, il est sur des grosses tournées. Est-ce que tu aurais rêvé ou imaginé de ça il y a même 6 ans en arrière? Non. Jamais. Mais c'était... tu pensais pouvoir voilà, non, c'était quoi? C'était la passion, étoiles. La musique, de chanter? Ouais, on allait au quartier avec Dani. Moi, c'était pour le plaisir de chanter, de faire de la musique. Mais je voyais ça comme des étoiles. Je m'imaginais pas aujourd'hui me retrouver dans les locaux de Skyrock pour défendre un album, quoi. Et puis surtout que ça sorte. Ouais, c'est ça, il le plus déjà important. Dans les bacs, ou ça m'amène dans les bacs. Il était déjà eu plein de retours, je suppose. Ouais. Ça va, les gens sont contents? Très contents. Très contents. Je suis très très contente des retours que j'ai eus, et je suis grave touchée. Ça, je sais même pas comment expliquer ce que j'ai, tu vois, c'est énorme. Bon, c'est et énorme. Cet album, alors, il y a Dani Sainté forcément qui a bossé dessus. Scred, on le disait. Ils aviez quel rôle, messieurs, tous les deux? C'est Danny qui fait les sons, toi aussi? Ouais, moi, en fait, là, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que quand Ness m'a parlé d'Islem, il y a eu la rencontre avec Danny en même temps, et pour nous, ça a été important de garder le duo, de ne pas se mettre entre eux, parce qu'ils avaient une histoire, parce qu'ils avaient une connexion, parce que Danny avait grave du talent, donc il ne s'agissait pas de prendre la petite chanteuse et de lui faire des prods pour elle, et voilà quoi. Donc on a gardé le duo artistique parce qu'il y avait un truc fort entre deux. Et voilà, le truc, ça a été un peu de chaperonner ça pendant les années et puis de les faire grandir comme ça. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait quelques instrus sur l'album, mais sinon, j'ai plus été réalisateur. J'étais un ingé son, j'ai fait les prises, j'ai supervisé le truc, prod exécutive. Voilà. Donc toi, t'as fait les sons sur l'album? Ouais, j'en ai fait 10 à peu près, je crois. Une dizaine. Comme ça, une dizaine. Ouais. Ce qui est pas mal sur 15 morceaux. T'as écrit tout, Islem? J'ai écrit tout, mis à part un morceau. Un couplet refrain qui est Ange Gardien. D'ailleurs, la personne qui m'a écrit, elle devrait pas tarder à arriver. Mais voilà. Bon, et bon, on va la présenter. Ouais. On va la présenter dans un instant. Sinon, t'as tout écrit, ça aussi, c'est important. Je sais pas, toi, si à 14 ans, justement, ce que tu chantais, t'écrivais déjà tout aussi, ou tu te faisais aider? Il y a des morceaux dans l'album que j'avais écrit à 14 ans, comme Oublie-moi, Partir, il y avait quoi? Avec le temps. Avec le temps, 4 ou 5 au final, que t'avais déjà écrit à l'époque. Bon, et puis sur cet album, on retrouve évidemment Orelsan, Nesbill, La Connexion, il y a Hawaii Manic et... aussi, qui joue le rôle de la grande sœur. Et un invité ce soir dans le studio, qui est pareil, un mec du 9-4. Du 9-4 aussi, ça va, aujourd'hui c'est la soirée 9-4. C'est la soirée 9-4 ce soir. Ouais. Et le CK est là avec nous. Yeah. Et le CK qui revient d'un tournoi de foot, donc il est un peu. Je suis mort. Il est fatigué, le pauvre, je l'éprouve en plus. Bon, c'était bien, c'était pour la sauce. C'est que du bonheur, ouais, exactement. Une grosse dédicace à eux, voilà. Hélène, à toute la clique. Exactement. Et tous les bénévoles. Je suis mort, mais on est là pour t'as gagné au moins ou pas? Demi-finale. Contre eux? L'équipe de France de futsal, U19, on a perdu. Bon, ça va, c'est honorable. Ouais, c'est cool. C'était pas toi, ce serait, non? Pas trop? Non. Sam non plus, non? Non, moi, le foot. T'es suivi PSG ce week-end? Je regarde à la télé, c'est tout. Je ne joue pas au foot. Dani? Absolument pas. Bon, la connexion avec LECK, tu me dis un mot de celui, Sam? Bah, LECK, en fait, il était déjà en connexion avec Dani, moi, je le connaissais pas avant. Puis, il m'a invité à son Planète Rap, en fait. Ouais. Et c'est là que je l'ai rencontré. Et beaucoup de soutien, beaucoup de force. Et au quotidien, au final, tout le temps. Du coup, je tenais à ce qu'il fasse partie de mes invités, parce que c'est l'un des artistes qui m'a beaucoup boosté et donné de force pour faire ce que je faisais. Tu entends? Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Non, mais c'est tout à fait normal pour moi. Tu vois, pour moi, c'est... moi, je vais peut-être faire des petites jalouses et tout ça, nanana, mais pour moi, c'est la meilleure. À son âge, c'est la meilleure. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Aussi clair. Beaucoup de respect pour certaines comme Kaina, Zamet, tout ça, mais pour moi, Islem, vraiment, elle est au-dessus du lot. Est-ce que vous avez peur d'ailleurs que ce soit Dani ou toi, Scred, que la voix change? Parce que quand elle a 13-14 ans, la voix peut bouger un peu. De vous dire, est-ce que ça va tenir, quoi? Bon, on aurait fait avec. Hein. Mais elle a un petit peu changé, elle est un petit peu plus grave qu'à l'époque, mais elle est toujours aussi bien. En même temps, tu bossais en parallèle ta voix ou t'as continué à bosser? J'ai fait un peu moins d'un an de coaching vocal pour avoir les techniques, comment gagner du coffre, porter sa voix et tout, mais sinon non. Sinon non, tout est autodidacte. Ouais. T'as tout appris par toi-même. Et on écoute un autre morceau de l'album? Ouais. On écoute... Alors, Oublie-moi. Ouais, Oublie-moi. Oublie-moi, allez c'est parti, c'est extrait de l'album qui est sorti aujourd'hui, l'album d'Islem, Où ça nous mène. Il y aura aussi du live tout à l'heure avec toi. Exactement. Et toutes vos réactions sur l'album d'Islem avec le hashtag Islem sur Skyrock. Va m'interroger, de m'inquiéter, t'as l'air où t'étais, avec qui que tu faisais. Tu sais bien que t'es pas honnête, t'es pas fidèle, toujours à draguer, à ignorer les faits. Je ne peux plus rester sans rien faire, sans réagir, là c'est décidé, je m'en fais. Je ne compte plus revenir, tu pourras peut-être me récupérer, mais dans une autre vie. Peut-être, mais dans une autre vie. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon, préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, que je m'en aille. Ça, oh, oh, j'ai besoin de faire un prêt. L'album est disponible. Avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis ça, oh, tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligé de répondre en paix? fini toute cette prise de tête. J'ai décidé de partir. Viens pas me dire que tu regrettes. Le mensonge c'est fini. Je pourrais peut-être respirer, vivre ma vie sans que tu me fasses souffrir. Peut-être, peut-être sans que tu me fasses souffrir. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, oh, que je m'en aille. Stop, hop, oh, hop, oh, j'ai besoin de faire un prêt. Je prime pas avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis stop, hop, oh, oh. Tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligé de répondre après? Au bon moment, au bon endroit, je le sais. Que tu ne changeras pas si seulement j'étais un peu moins naïve. Et que toi t'étais moins inaccessible, je le sais. Ça aurait bien fini. Tu manges ma vie et mon esprit. Je t'emprise dans ma tête et oublie-moi. Tu t'empares de moi comme d'un outil. Je suis sans défense face à toi qui ne baisse pas. Oublie-moi, à l'instant, c'est extrait de l'album d'Islem. Où ça nous mène? L'album est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Ça y est. Depuis le temps qu'on court après cet album, ça y est, il est là. Ça y est. Il faut en profiter. Il est dans les bacs ce soir. Il y a aussi, donc, en invité, il y a Skred, il y a Denis Sainté, LECK qui est dans le coin, avec qui vous ferez un live aussi. Ouais, on fera un live tout à l'heure. Un autre morceau à découvrir parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et c'est ce qu'on fait quand les albums sont sortis. On demande aux auditeurs de Skyrock de laisser sur les pages des réseaux sociaux leurs morceaux préférés. Pour l'instant, le morceau qui est le plus demandé de ton album parmi ceux qui ont acheté l'album, c'est Avec le temps. Cool. Bon, en même temps, c'est un titre qui était sorti. C'est un titre qu'ils connaissent déjà. Ouais, qu'ils connaissent depuis un petit moment aussi, celui-ci. C'est quoi, un des tout premiers que t'as envoyé ou pas? Non, c'est le premier, ouais, de l'album que j'ai envoyé. Avec le temps. Avec le temps. Ça fait beaucoup, beaucoup de vues et juste énorme. Et puis on pourra l'écouter dans un instant sur Skyrock 41759. Petite question aussi pour repartir avec l'album d'Islem. Question simple, c'est normal, c'est lundi de Pâques, c'est férié, un peu le cerveau se remet en route. C'est quel est le rappeur qui t'a amené ici dans son planète rap? Franchement, c'est question dure. Les gens qui me connaissent pas, ils peuvent pas deviner, tu vois. C'est cadeau, hein. Là, c'est cadeau. Non, mais s'ils ont écouté depuis le début de l'émission, normalement, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Quel est le rappeur qui est venu ici dans son planète rap avec Islem? La toute première fois, vous nous envoyez la bonne réponse avec le hashtag Islem sur Skyrock avec le 41759. Tu voudras qu'on fasse découvrir un autre morceau ici tout à l'heure ou pas, Islem? D'ici tout à l'heure. Non, tu feras du live au... Ouais, je vais faire du live. Au piano aussi? Ouais. Mmh. On va lâcher un clip d'ailleurs tout à l'heure, restez branchés. On va lâcher le clip du morceau Besoin d'elle et je ferai aussi le live de ce morceau. Donc le morceau Besoin. Voilà, restez connectés. Besoin d'elle, c'est avec Nesville. Hein. Exactement. C'est le morceau en featuring avec Nesville. Donc le clip arrive là tout à l'heure dans quelques minutes. Ouais, dans quelques minutes. Donc c'est n'hésitez pas. Allez cliquer sur la chaîne Islem. D'ailleurs, on peut te suivre où, toi, Islem? On peut me suivre sur Twitter, Islem officiel avec deux L à la fin. Islem sur Facebook. Et sur Instagram, j'ai un compte Instagram, c'est pour les personnes qui aiment les photos, donc voilà, Islem officiel aussi. Et bah allez-y, dans un instant on va revenir avec aussi LECK qui est de retour. Yes. LECK qui sera là en live avec Islem tout à l'heure. Ouais. Et toi tu pars en tournée, c'est ça LECK? Ouais. Bon, tournée? Ouais. On peut filer 2-3 dates maintenant? Vite fait, ouais. Le 26 avril à Bourg-en-Bresse, le 2 mai avec Niro et DJ Amida, le 10 mai Mais tu à Strasbourg. Mis... Ah, c'est. Le 10 mai, tu m'as mis le 2 mai, mais le 2 mai, tu m'as pas mis en fait. C'est à côté de Metz et Nancy. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, 2 mai du côté de Metz, le 10 mai près de Strasbourg, le 17 mai à Montélimar, le 24 mai à Épinay-sous-Seine, le 7 juin à Goussainville, le 20 juin à Épinay-sur-Seine cette fois-ci. Et puis un album qui arrive dans la foulée. Inch'Allah. Comme on dit chez nous. Mais bon, là, le principal truc aujourd'hui, c'est où ça nous mène. Est-ce que tu l'as écouté? Franchement, j'étais au tournoi, je l'ai acheté ce matin. 10h du matin, je suis parti à la Fnac des Arcades, à Noisy-le-Grand. Je sais pas si tu connais. Je connais très très bien. Enfin, ça, c'est mal. Et après, voilà, donc je l'ai mis dans la voiture, je suis allé directement au tournoi et ce soir, je vais me poser. Bon, t'as repéré quelques petits morceaux, quelques sonorités? Fred, c'est la meilleure, j'ai confiance. Merci. Je vais écouter du début à la fin, je sais que je vais me manger que des tartes. Et bah ne bougez pas, dans un instant il y a des tartes à se manger avec un extrait de l'album. Le morceau Avec le temps, il arrive, bougez pas. De retour juste après ça, le Planète Rap d'Islam. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Avec Islam, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h, l'album Où ça nous mène est sorti aujourd'hui, on peut le récupérer. Enfin. Tout de suite, allez cliquer pour l'acheter légalement. Hein. L'album d'Islam, on découvrira un autre morceau dans un instant, c'est un morceau que vous avez demandé, qui s'appelle Avec le temps. Avec le temps, en effet. Et qui est un des tout premiers morceaux d'ailleurs sorti. Le premier extrait de l'album. Premier après, extrait. Ça a pris du temps, mais c'est le premier. Qui avait été balancé il y a quelques mois. Ouais. Quelques longs mois. Ouais. Nino de Clermont-Ferrand, salut Nino. Oui, je suis prêt, encore. Ça va et toi, Nino? Oui, ça va. En pleine forme? En pleine forme, oui, oui. Bon, tu connais Islam, c'est notre invité cette semaine. Salut Nino. Ouais, salut Islam. LECK, oui. Mais LECK, il arrête pas. En fait, le problème avec LECK, c'est qu'il y a un coup il est assis, un coup il est dehors, un coup il est assis, un coup il est dehors. On va le récupérer, t'inquiète pas, on va te retrouver. On va t'écouter rapper maintenant, Nino, c'est parti? Ouais. Allez, session freestyle par téléphone. Casse-toi. Chez nous y'a pas de mi-temps, rêve tous de prendre le butin. Se planer sur un 4 ans, j'ai connu des titres qui méritaient pas ma confiance. Aujourd'hui je regrette rien, être buté depuis mon enfance. Je finir numéro 1, mettre ton équipe sur l'impotence. Je veux pas qu'on me voit sur TF1. Mon place dans les tendances, 5 étoiles et pas le F1. Souvent j'ai rien dans la poche, manque d'argent dans les poches des anciens. Pour ça que les diables nous sortent, je me surveille toute la semaine. Les barres toute la semaine, les flics on les a semés. Dans mon équipe y'a pas de ZML. Et Miss, bien que je t'emmène, loin de la ville, loin des problèmes. Gucci, Galerie, Lafayette, chez les toilettes. Dans le CL, souvent je regarde le ciel, en quête de la vie de rêve. Dans la vie c'est marche ou crève, t'inquiète pas, je porte le grève. Je rêve de la vie d'artiste, que les majors me pissent. MC sort de la piste, fais ça dans la cabine. Là c'est N-I-N-O, je fais mal à la sono. Je veux qu'on fasse ma promo, passer à la radio. Virage, je me méfie, je fais confiance qu'à une fille. Les salopes défilent, vendent de tous mes gaz, défilent. Signer des photos, faire croquer les poteaux. Voyage à Rio, sur la plage en maillot. La bine c'est pas le moine, j'ai vu des poucas forts. Requin là c'est N-I-N-O, c'est moi la relève. Un conseil, retiens. Ah, Schwartz. Bah, il est là, et le CK, il t'a entendu, Nino. Aïe. Oh, le Schwartz. Oh, t'es un Schwartz. Aïe. Oh, t'es bon. Un Schwartz. Ah, juste pour dire, le CK, à la sortie de ton album, je suis vous, là, je l'ai saigné. Merci. Et là, maintenant, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Quoi, demain matin à la Fnac, tu pécho Islam ou ça nous mène. Islam, c'est du lourd aussi, Eh ben merci à toi, Nino, petite dédicace, on peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y. Ouais, j'ai une grosse dédicace à la boutique Ice Wax Streetwear, 11 rue des anciennes boucheries, 0300 Montluçon. Je fais une grosse dédicace à tous mes gars, SPT, grosse dédicace à ma famille, mes frères, ma mère là qui m'écoute. Ma sœur, tout le monde, je fais une grosse dédicace à tout le monde et voilà. Eh ben merci à toi Nino. Et dédicace à toute la famille à l'écoute. Passe une belle soirée. Allez-y, Nino Schwartz. Salut. Nino Schwartz. Yes. Bon, ok, je vais noter celle-ci. Je la ressortirai. Bon, dans le Planète Rap entre 20 et 21, la bonne nouvelle c'est que nous sommes entêtés. Nous sommes entêtés tout à l'heure, merci à ma team Islam, vous êtes les meilleurs. Bravo la team. C'est eux, hein, tu sais. C'est incroyable. J'ai vu depuis ce week-end, ils me harcèlent de messages. Ils ont raison. Ils envoient des messages en disant ouais, accueille bien Islem, sinon on tombe à 150 dessus. Les meilleurs, merci beaucoup à tous. Merci. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment plus que les gens te suivent et qu'ils te demandent tout le temps alors tu le sors quand, alors ça sort quand. On a repoussé, on a attendu, mais c'était vraiment histoire de s'attarder sur les derniers détails et une fois que le CDI sort, on se dit ça y est, on regrette rien. Il y a pas de truc que j'aurais voulu ajouter. Là, c'est bon, il est là. Toi, Scred, c'est pareil. Toi qui as bossé dessus aussi, mais là, plus sur la partie réelle et production, je dirais. Ouais. Ça semblait long ce temps ou pas? Ouais, ça a semblé long, mais en même temps, tu vois, entre temps, elle a fait des collaborations. Les gens ont vu qu'elle était là, qu'elle était sérieuse. En même temps, elle était au lycée. Tu vois, nous, déjà, quand on bosse H24, il y a un an et demi à faire un album pour qu'il soit propre. Donc là, tu imagines avec le lycée. Alors, ça dit quoi d'ailleurs, le lycée? Bien ou pas le bac, tout? Ouais, tranquille, ça va. Ça va. C'est quoi le tranquille, ça va? Non, pour le moment, ça se passe bien. Ah, mais tu es encore? Ouais. Ah non, bah ouais, je l'ai loupé. Du coup, là, cette année, je le repasse. Mais cette fois, je l'aurai, tu vois. Cette fois, c'est bon. Ta faute, Scred. Ouais, c'est ta faute. Dani, c'est ta faute aussi. Non, ouais, jamais. C'est de leur faute. Non, pas du tout. Non, moi, je fais de la musique au même titre que quelqu'un. Il va faire du foot le week-end, il a ses tournois, il bouge, tu vois. Là, c'est la même. D'accord. Donc là, cette année, c'est bien parti, par contre. Ouais, là, cette fois, ça se passe plus. C'est la bonne. J'ai changé de lycée, j'ai tout changé. C'est bon, changement de vie, changement de décor. Changement de vie, et donc, voilà. L'album, il sort cette année. Du coup, cette année, c'est l'année de la réussite, Inch'Allah. Et bah, écoute, on croise les doigts, on souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2014, avec la sortie, en effet, de l'album aujourd'hui. On met un morceau avant de passer au live? Bah, on met avec le temps, du coup, vu qu'il c'est le morceau qu'ils ont réclamé. Et bah, on y va, on balance avec le temps et tout. Et bah, vous continuez aussi à envoyer des messages avec le hashtag Islem sur Skyrock pour continuer à être en TT. Continuer. Et pour progresser dans le top TT. Yes. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœurs. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Le passé. Hier encore j'étais assise sur les genoux de ma mère. Elle me parlait, je ne comprenais rien, je souriais quand même. Aujourd'hui tout a changé. J'ai grandi, puis maintenant je ne fais que découvrir la vie. Au début c'était bien. J'écrivais sur le mur, j'écrivais des bouts de phrases. En gros j'écrivais mes blessures. Au début c'était rien, que des petits poèmes. Magnifique. Qui s'appelle Avec le Temps. Avec le Temps, bah avec le temps on a sorti un album. Bah voilà, Avec le Temps. Il portait bien son nom en fait, ce morceau. C'est le premier aussi que t'as enregistré forcément ou... Le premier. tout premier enregistré Ah non, c'est pas, c'est pas le tout premier enregistré, mais c'est le premier qu'on a sorti, qu'on a clippé. Qui avait été envoyé il y a quelques mois de cela, on le disait. Avec le temps, et ben avec le temps, voilà, la petite a bien grandi. Elle est là dans son Planète Rap cette semaine, rien que pour toi. Ça y est. C'est à toi. Je suis plus l'invité là. Non, c'est toi qui décides, c'est toi qui es la bosse. Par exemple, si on chantait maintenant. On chantait. Enfin, surtout surtout tu chantais. D'abord, je vais annoncer une petite surprise. Je vous ai fait, vu les retours et tout, je suis super contente. Et ben, on va balancer. Il y a le. Oh là là, j'arrive plus à parler. Ça y est, je suis trop émue, trop d'émotions. Il y en a assez là, trop d'émotions. Donc du coup, on balance le lien du street clip de Besoin d'elle, le featuring avec Nesville. Donc allez regarder sur mes réseaux, c'est dispo. Donc on peut trouver et le clip. Je vais le faire en live. Ouais, sur le street YouTube, il est en public là. Et tu nous le feras avec Dany Sinté au piano aussi. Est-ce que tu veux présenter aussi quelqu'un qui est à tes côtés? Tu nous as pas dit. Je vais présenter Déa. Bah oui. Déa. Tu nous as dit que tu présentais une surprise avant la fin de l'émission, quelqu'un qui avait bossé avec toi sur l'album. Exactement. Ah, c'est Déa, surprise. C'est toi, c'est surprise. Mais attends, c'est son Planète Rap, donc elle décide des surprises. Mais si je suis surprise, ça va. Bah, présente-nous un petit peu le garçon qui est à tes côtés alors. Bah, disons que le garçon qui est à mes côtés, il est venu, il est rentré dans l'album. En pleine panne d'inspiration, j'arrivais plus à écrire, j'étais déprimée, ça allait plus du tout. Et voilà, j'ai eu l'honneur d'avoir sa plume dans le morceau Ange Gardien. Et ça donne un très très beau morceau, très touchant. Du coup, voilà, un gros big up à Dala qui est là. Voilà, merci à Islem. Et bah, bienvenue Dala, ça va ? Impeccable. Voilà, Déa, Marseille. Bah, j'allais dire oui, ce petit accent. Ouais, il a fait le voyage, il a fait le trajet. Ce petit léger accent me rappelle quelque part le sud. Ouais, Marseille, 13-0-15, je viens de la Souli. Et toi, t'es aussi artiste Ouais, je suis artiste au sein du label Kimani Records. Donc voilà, j'ai été approché par Abla et Skred en fin 2010-2011. Ouais. Donc ils sont venus vers moi en me demandant si j'écrivais toujours des textes, quoi, en tant que parolier. Donc, vous êtes connu comment en fait? Il y a un petit moment en fait, vous connaissiez, vous me suivez? Je me souviens. Moi, je me rappelle plus quand on s'est connu, mais je me rappelle plus des souvenirs depuis. C'est Abla qui t'a rencontré, c'est obligé. Voilà. Abla est toujours dans les gouffres. Regarde, il est là, regarde, il rigole Abla. Regarde derrière la vie. Regarde ce que je t'ai dit. Donc ça voilà. À Caen, un truc comme ça. À mon avis, c'est à Caen avec Abla. Truc dans à le. Caen. D'accord, un traquenard à Caen, ok. Voilà, donc dédicace à Shafik qui a organisé le traquenard. Eh ben voilà. Ça y est, les dossiers sortent. C'est bon, ça. Voilà. T'as la fin d'équipe ou pas? Ouais, c'est bon. Donc après, j'ai été présenté à l'équipe, Islem, Dany, Ness, très rapidement. Donc je leur ai présenté des pontes. Alors, ponte égale texte, surprise. Ah oui, des pontes égales. Ouais, des pontes, c'est un texte, faut savoir. Après, il faut se régler. Après, j'ai été agréablement surpris d'avoir un bon retour. Après, ça a été l'aventure qu'on connaît depuis 3 ans. Et après moi, si j'ai un mot à dire, c'est que rares sont les paroliers qui sont contents de voir des textes à eux revisités. C'est-à-dire à chaque fois que je présentais une pente, c'était une redécouverte à l'écoute, quoi. Que ce soit la MAP ou Mix, la petite, c'est une artiste née. Ça a été important justement pour toi, voilà, que tu aies un texte aussi écrit par quelqu'un d'autre. Ça t'a permis de reprendre l'écriture de cet album. Ouais, disons qu'on n'y avait pas pensé. Tu sais, la panne d'inspi, elle n'était pas prévue, hein, c'est jamais prévu. Mais c'était difficile. On est en plein d'un gros moment de solitude et puis il est tombé à pic. Il m'a présenté un texte et après c'est rebelote, c'est parti. Et bah voilà, le morceau s'appelle Ange Gardien, vous pouvez le découvrir sur l'album, peut-être qu'on le passera dans la semaine aussi. Ouais, on le passera dans la semaine. Il y aura deux surprises, il y aura des surprises dans la semaine. Ouais, bah très bien. On aime bien les surprises dans le sud. Bah, c'est tombé aussi. On y va, on t'écoute en live maintenant? Ouais, on écoute en live encore avec LECK. LECK. Yeah. Prêt? Prêt. Toujours. Allez, c'est parti maintenant. Yes. 21 avril. Tout ça nous mène. LECK. Encore et encore, Schwarx avec l'attitude. Quand les pensées m'emportent, j'ai les ailes cramées, pourtant je m'envole encore et encore. J'envole le monde de mon regard. Yes. Ma seule constatation, y'a overdose de désespoir et encore. Je me battrai pour les miens, je continue pour ma famille et ceux qui ne s'arrêtent pas juste sur mes torts. Ceux avec qui je ne fais qu'un, qui connaissent par cœur toutes ces blessures qui me veulent morte. Et encore, prends ce son comme une larme. Plus j'avance et plus je vois qu'on salit notre islam. Et encore, tu vois personne qui sonne l'alarme. Et après on s'arrête. qu'est-ce que fait mon ennemi resté fort. Ça devient un combat aujourd'hui. Je veux pas mourir ici avec cette haine qui m'envahit. Et venez qu'on en parle encore et qu'on ne me ménage pas. Yes. Et venez qu'on expose ces torts qui au fond nous crèvent l'âme. Juste une envie de crever l'abcès. Parler de cette plaie, oh oui, parler de ces plaies. Yes. Pousser à régler mes défauts. Encore et encore, mais ça ne reste que des mots. Et de Islam. De Islam, l'almagam est la partie. Les nôtres préfèrent le R de Rizla. Ce soir c'est du pareil au même. Je suis dans ma matrice, frère. Encore et encore, je donne de la force en étant batterie faible. Et c'est pas fini, j'ai toujours rappé sans force. Et enfermé dehors, Islam, je me suis marié pour mieux divorcer. More and more, motherfuck, ma mère est mal. Je suis comme un dingue, c'est pas parce que je chante que tu peux. C'est que je suis une baltringue. Noir arrive, oh my god, on se fait la guerre à nous-mêmes. Il faut que j'écoute ton album pour savoir où tout ça nous mène. Et encore, je pense à mon frère qui m'a dit adieu. Jamais je ne l'ai revu, mais je garde en moi son sourire radieux. Sachez que cette forte force qui me fait tenir debout, qui me renvoie. Mon deuxième album arrive mieux que le premier. Plus encore, Islam. Chante-moi ce refrain. Chante-moi ce refrain. Où tout ça nous mène. Et venez qu'on en parle encore et qu'on ne me ménage pas. Yes. Et venez qu'on expose ces torts qui au fond nous crèvent l'âme. Au fond nous crèvent l'âme. Juste une envie de crever la plaie. Parler de cette plaie, oh oui, parler de ces plaies. Yes. Où ça règle mes défauts. Yeah. Encore et encore, mais ça ne reste que des mots. Reste que des mots. Yeah. Où ça nous mène dans les bacs déjà, il fait chaud. Merci à l'Esprit. Yeah! À l'instant en live. Et pour Skyrock, ce morceau encore et encore, puisqu'on trouve sur l'album Islam, sur ton album on retrouve le morceau encore et encore, mais il n'y a pas LECK dessus. Il n'y a pas LECK dessus, c'est une exclu, voilà. Voilà. C'est une exclu, mais on la retrouvera normalement. C'est une exclu là aussi. Ah. Dans mon deuxième album. Qui s'appelle Qui s'appellera plutôt. Il s'appellera Inscris-toi sur mon site internet et tu vas voir comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'est sûr, je fais pas mon deuxième album si Islam elle est pas dedans. C'est clair. C'est clair, Schwartz. Donc, Fred. Ah bah voilà. Fred le Schwartz. Arrête de m'appeler Schwartz. Je sais pas trop comment situer cette expression de guerrier, Schwartz. Ça veut dire guerrier. D'accord. T'es sûr? Ouais. Il n'y a pas une double. Non. Guerrier Schwartz. T'es un Schwartz. Ce sera aussi le nom d'un morceau peut-être. Avec l'attitude, qui arrive bientôt, avec Noir. D'accord, on suivra ça pour l'album de LECK. Ce morceau encore et encore. T'as écrit sur plein de choses d'ailleurs sur cet album. C'est vrai que c'est un morceau un peu plus. Ouais. C'est le dernier en fait. C'est le dernier morceau que j'ai écrit de l'album. Je l'ai écrit à une période où il n'y avait que des mauvaises nouvelles dans les infos et tout. Et ça a donné encore et encore. Dans le sens où on parle des problèmes, on expose toujours les mêmes choses, encore, encore, mais il n'y a pas l'attitude qui va avec. Donc. More and more. Mais c'est vrai que t'as été inspiré, voilà, pas uniquement sur des relations, etc. C'est teinté d'actualité, quoi. Voilà, exactement. Et ben maintenant un autre morceau, si tu veux bien, Islam. On y prend goût au live. Ouais, on va faire Besoin d'elle en live. Avec cette fois-ci Dany Sinté. C'est le morceau d'ailleurs, on peut trouver aussi là maintenant les images. Allez-y là, tout à l'heure pendant la pub, vous pourrez trouver les images du street clip, quoi. Ouais, du street clip de Nesville. Avec Nesville. Besoin d'elle qu'on écoute maintenant en live et en acoustique. Et j'avance dans le noir, à contre-courant, je ne sais plus où trouver l'espoir. On m'attend au bout du tunnel, mais personne n'entend tous mes appels à l'aide. On m'éprouve à croire que tout repose sur moi. Pourtant sans eux je suis mieux, mais ai-je vraiment besoin de ça? La terre tourne, je tourne en rond avec elle, débordée par ma peine, haine, haine, des larmes et des cris étouffés dans mes rimes, des rires et des vides, sourires hypocrites, des cerveaux qui saturent, des frères en filature, des amis qui te rassurent, des sentiers perdus, des tourments qui ne prennent jamais fin, devenir cinglé, j'en suis pas loin. Je m'efforce de garder les pieds sur terre, les semelles déchirées à force de les traîner dans la merde. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman, pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Non. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman, pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Et j'entends les sirènes au loin. Lorsque bébé dort, maman sèche les larmes en vain. Elle m'attend, elle qui a tant souffert. J'ai pas su combler l'absence qu'a laissé mon père. Mais y'a pire, alors je calcule pas mes erreurs. Je ressens comme de la peur dans le regard de mes frères et sœurs. Ils me fuient, comment leur dire que j'ai de la peine, que c'est le désert dans ma tête. Help, help, où trouver mon nom, où trouver ma voix. Que faire pour qu'ils soient fiers de moi. Changer ma vie, décrocher la lune. Mais qu'est-ce que j'ai fait si j'avais su. Des tourments qui ne prennent jamais fin. Devenir cinglé, j'en suis pas loin. Je m'efforce de garder les pieds sur terre, les semelles déchirées à force de les traîner dans la merde. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman, pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Mon ciel est sombre, je manque de soleil. Maman, pour m'envoler, j'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. À l'instant, en live. Merci, Dani. Besoin d'elle. Avec Dany au synthé, Dany au synthé. Dany toujours avec son synthé en plus, Dany. Voilà, Dany que t'as connu il y a très très longtemps. L'histoire est belle, c'est un grand bonhomme, c'est quelqu'un. Et ben il est là avec nous. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on peut retrouver dans, si vous achetez l'album en physique, on peut vous retrouver une photo tous les trois de. Il y a toi, il y a Nesbill et Dany. Ah, et c'est moi qui ai pris la photo. Tu vois comme ça la boucle est bouclée. Ah mais c'est toi qui prenais la photo screen. Et ça c'était pareil, c'était un sacré moment aussi, je pense. Elle date de 2009 la photo. Dany, attitude Dany bien énervé. Toujours, je sais pas sourire dans les photos en fait. Ouais, c'est vrai en plus. Et allez vous procurer l'album de d'Islem. On peut le télécharger aussi maintenant, mais légalement dès ce soir. Et puis le morceau qui s'appelait Besoin d'elle que besoin tu viens de faire. Besoin d'elle, on peut retrouver la version originale en feat avec Nesbill sur internet. Le street clip, il est sorti. Ça y est, là, tout de suite. Ouais, c'est bon, il est en ligne. Vous pouvez aller checker ça sur mes réseaux. Islem officiel sur Twitter, Islem sur Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce qui vous plaît. Et tout simplement. Bon, est-ce qu'on finit avec Petit Bateau? Est-ce qu'on ne remettrait pas Petit Bateau pour conclure? Ouais. Scred, non? Si, c'est parti pour Petit Bateau. On remet Petit Bateau, c'est un extrait de l'album. Et puis après, on se dira au revoir. On fera aussi tourner la roulette dans un instant. 41, 7, 5, 9. Petit Bateau. Petit bateau, voyage sans loin ni peine. Esquive-moi tous ces vieux rafiaux qui n'attendent que ta perte. Petit bateau, tu croiseras des sirènes. Ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Que le vent t'emporte, non. Laisse-toi emporter par le vent. N'aie pas peur, choisis ton cœur comme un seul océan. Il est grand temps de mettre les voiles. À l'instant, le morceau Petit Bateau qu'on retrouve sur l'album d'Islem. L'album s'appelle Où ça nous mène sur Skyrock. Avant de se quitter, on va saluer aussi Mokobé qui est là. Hein, qui est... Monsieur Mokobé qui vient d'arriver. Petite visite surprise toujours de monsieur toujours. Mokobé, comment va? Bah, très bien, non? Attends, pas une visite surprise. C'est la petite sœur, c'est la famille. Donc voilà, donc je savais qu'il y avait son plein étrape. Merci. Il y a mon artiste qui est pas très loin. Et le CK qui est là. Le CK avec une très belle coupe. Bah comme à son habitude, non? De Lion. Donc voilà, non, je suis très content parce que déjà c'est une petite sœur, elle a une très belle voix. Pour moi, c'est la l'une des plus belles voix en France, très clairement. Elle a une voix magnifique. Avec des super bons textes et c'est tout. La meilleure, c'est hyper bien produit parce que voilà, derrière c'est du très très lourd, tu vois ce que je veux dire, c'est du très très lourd et donc tous ceux qui nous écoutent, faut pas hésiter, faut aller attraper l'album, c'est très important. Merci. Tout comme toi Mokobé, parce que je sais qu'à chaque fois t'achètes des albums. Ça c'est clair, en tout cas celui-là c'est clair, elle le sait très bien, c'est vraiment une petite sœur, c'est vraiment la famille. Merci. On attend ça depuis très longtemps. Ça nous a frustré parce qu'on attendait vraiment l'album, mais je pense que voilà, il y a des raisons à tout et l'album il est là, il est lourd, donc voilà, il faut aller le prendre. Et voilà. Ben, merci d'avoir été là pour les dernières minutes du Planète Rap d'Islem ce soir. Islem, juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Viens gagner ton iPad mini plus ta compil Planète Rap 2014. Jordan du 59, ça va bien Jordan? Ça va, vous l'étiez? En forme, je te présente Islem, notre invité. Ah, salut Islem. Salut Jordan, ça va? Toute la semaine, elle est là. Nickel. Eh ben, écoute, bienvenue, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? On y va. Allez, c'est parti Jordan. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Jordan? Oui. Eh ben écoute, on t'envoie l'album Planet Rap 2014 avec la clé USB qui va avec et les places pour aller voir le film Babysitting qui est sorti mercredi dernier et qui fait un véritable carton. Ah, nickel, merci beaucoup. Merci à toi. Et tu passes une petite dédicace? Vas-y, ouais. Je passe une dédicace à Mario, Joey, mon parrain, Morgan, Maureen et tous ceux qui m'ont reconnu. Ça roule, merci à toi Jordan. Ciao. Merci, ciao. Merci Sam pour cette première soirée. Merci à toi Fred. Merci à l'équipe Denis Sainté qui était là avec Scred aussi, avec NSK. Merci à Islem de m'avoir invité. C'est super. Merci. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et une très très bonne semaine aussi au niveau des ventes. Ouais, parce que c'est depuis aujourd'hui. Ouais, faut soutenir. Faut pas laisser les. Tu sais, pour moi, c'est la Jasmine Sullivan française. Je veux dire, en vrai, faut la soutenir. Jasmine, elle a arrêté parce que voilà, la R&B avait changé. Donc, si on veut pas perdre une perle comme elle, faut aller la soutenir dans les bacs sur iTunes. En tout cas, voilà. Et ben merci à le CK. Merci à Dalla qui était là aussi, qui est arrivé. Merci de la part de tous les Schwartz. Gros big up à l'acheter l'album. Dany, toi tu repasses dans la semaine. Demain, après-demain, tous les jours. Dany est prête sur la toute la semaine. Et ben très bien. On va pas te lâcher de la semaine. Et ben tant mieux. T'inquiète pas. Je vous attends tous les soirs un petit peu avant 20h. Et là, c'est l'heure de retrouver Difool. Dans un instant, juste après la pub, ce sera la radio libre.